Les anges entrent dans la nuit de Sodome. L'eau les protège dans l'ombre. La violence frappe à sa porte comme une tempête qui ne pardonne. L'ordre de fuir tombe dans le ciel. Le feu est prêt à descendre, mais les cœurs hésitent encore quand la grâce appelle à se tendre. La délivrance demande parfois de ne jamais regarder en arrière. Sauve-nous du feu de nos compromis, même quand nous des flammes.